السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، durant les derniers cours, nous avons étudié les causes de l'augmentation de la foi et nous sommes entrés dans les causes de la diminution de la foi. Et après avoir mentionné les causes intérieures, il nous reste une cause intérieure, puis nous passerons aux causes extérieures qui ont pour conséquence la diminution de la foi. Donc parmi les choses qui amènent la diminution de la foi, il y a il y a l'âme incitatrice au mal. Il y a l'âme incitatrice au mal. C'est une âme blâmable. Elle ordonne à la personne tout le mal. Elle l'invite vers les choses, vers les paroles, vers les croyances, vers les actions qui causeront, s'il les met en pratique, sa destruction. Le mal et le fait d'appeler au mal est sa nature première à cette âme, incitatrice au mal. Al-ammaratu bis-su. Il ne sera préservé de son prêche, ne sera préservé de son égarement, ne sera préservé de son pouvoir et de ses conséquences que celui qui aura été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nul ne peut s'en délier, ne peut s'en protéger, s'en prémunir, si ce n'est celui qu'Allah azza wa jal aura assisté, aura préservé, celui auquel il aura accordé sa miséricorde. Et dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, nous avons cette célèbre parole: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'histoire de Yusuf de manière détaillée, de son enfance jusqu'à sa délivrance, jusqu'à son ascension. On nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, « Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, Annie me préserve. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Mon Seigneur est certes très pardonneur et miséricordieux. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit que ce que mentionne ici Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran est la parole de l'épouse de Al-Aziz. L'épouse de Al-Aziz. Quant à Ibn Jarir al-Tabari, lui nous dit que c'est la parole de Yusuf qu'on nous mentionne, qu'Allah mentionne ici. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', certes l'âme est très incitatrice au mal, c'est-à-dire qu'elle appelle à assouvir ses désirs, ses passions, à commettre cela, même si ça vient à l'encontre de ce qu'Allah agrée, de ce dans quoi il y a l'agrément d'Allah. Sauf si la personne est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si la personne est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Kathir nous dit que on nous mentionne ici la parole de l'épouse de Al-Aziz. On a également dans le Coran, dans sourate An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Ce qui signifie que nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, n'eût-ce été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde. N'eût-ce été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Donc la pureté de l'âme ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'aide et l'assistance d'Allah, personne ne peut avoir cette pureté d'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de sa créature la plus noble, son prophète et son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا dans sourate l'Isra. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais certainement penché quelque peu vers eux. Donc c'est Allah qui a fermi, c'est Allah qui protège, c'est Allah qui préserve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, enseignait aux compagnons khutbatul hajj. Comme le rapporte Abu Daoud, il disait « Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillah falamudillala, wa man yudlil falahadiyala. » Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons. Nous recherchons l'aide auprès de lui et nous lui demandons pardon pour nos péchés. Et nous recherchons protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, contre le mal de nos propres âmes et contre le mal de nos actions, contre les méfaits de nos actions. Certes, celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne pourra le guider. Ainsi, on comprend parfaitement que si Allah nous abandonne et nous laisse à notre propre charge, entre nous et notre âme, on périra de manière inéluctable. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé également à l'homme une âme qui s'oppose à celle-ci, à l'âme très incitatrice au mal. Cette seconde âme est appelée An-Nafsul Mutma'inna, l'âme apaisée. Apaisée de par l'obéissance d'Allah. Apaisée à se soumettre à Allah, à ce qu'Allah veut, à la recherche de son agrément. Cette âme-là appelle le serviteur au bien et blâme l'âme incitatrice au mal et tente de la freiner, de la décourager face à ses pulsions qui emmènent et entraînent au malheur, à la punition, au châtiment, à l'enfer. Et il y a entre ces deux âmes du serviteur, celle qui incite au mal et celle qui est apaisée de par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et le bien, il y a un combat perpétuel entre les deux. Il y a un combat perpétuel entre les deux. Et le serviteur penche vers celle qui gagnera. Tantôt, il obéit à l'âme incitatrice au mal. Et tantôt, il obéit à l'âme apaisée. C'est donc un combat perpétuel. Il a toute la responsabilité dans cela. À lui de dompter l'âme incitatrice au mal et de développer l'âme qui est apaisée, qui est sereine. Et nous trouvons le détail de cela dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Al-Wabil al-Sayyib. Quant à son livre, Al-Da'u al-Dawa, il nous dit, Rahimahullah, « وَقَدْ رَكَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْإِنسَانِ نَفْسَيْنِ » Allah a mis... Yani a mis en composant l'âme de la personne en deux âmes. Yani sur la personne, deux âmes. Une âme qui est incitatrice au mal et une âme qui est apaisée et sereine. Et les deux se détestent et se combattent. Lorsque celle-ci est faible, celle-ci est forte. Lorsque celle-ci est légère, l'autre est lourde. Et ainsi de suite. Lorsque celle-ci est satisfaite, l'autre ne l'est pas. Et il y a une guerre perpétuelle entre les deux. Et la finalité est qu'il emportera et le résultat ne sera connu qu'au moment où le serviteur quittera ce bas monde. Qu'au moment où le serviteur quittera ce bas monde. Donc, l'âme incitatrice au mal est une grande cause de diminution de la foi, d'affaiblissement de la foi. C'est pour cela qu'il nous faut, Ikhwan al-Kiram, préserver cette âme de tout ce qui vient l'affecter et la corrompre. Comment ? En faisant ce qu'on appelle muhasabatu nafs. Ainsi, nous avons ici la maladie et son remède. Le remède est muhasabatu nafs. C'est le fait de faire ses comptes. Le fait de regarder sa journée, sa semaine, son mois, sa vie passée. Naam. Qu'ai-je fait de bien afin de remercier Allah Azza wa Jal et de développer cela? Qu'ai-je fait comme mal afin de me repentir à Allah, de me corriger, de ne plus retomber dans la même erreur? Il faut faire ses comptes. Il faut faire ses comptes. Surveiller son âme et lui adresser un blâme régulier. Lui adresser un blâme régulier. Car en faisant nos comptes, on trouvera forcément des imperfections, forcément des défauts, forcément des péchés. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le remède, muhasabatu nafs, faire ses comptes, son introspection, son jugement personnel avec équité et justesse, non pas avec complaisance et distraction. Celui qui veut être sauvé dans l'au-delà, il faut qu'il soit sévère envers lui dans ce bas monde. Au minimum qu'il soit juste. Il doit surveiller cette âme. Il doit blâmer cette âme. Il doit retenir cette âme et la freiner face à ses passions sortant de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit la faire se soumettre à l'ordre d'Allah, à la législation d'Allah azza wa jal. Et il doit lui faire voir les conséquences néfastes de l'assouvissement de ses désirs, de ses plaisirs, allant à l'encontre de ce qu'Allah aime et agrée. Et pour ce faire, Ikhwan al-Kiram, il y a deux étapes. Muhasabatu nafs a lieu en deux étapes, ou si vous voulez, est de deux sortes. Premièrement, avant d'agir. Et deuxièmement, après avoir agi. Avant d'agir, muhasabatu nafs se concrétise en prenant du recul au moment où on pense à agir, où on a l'intention d'agir, on prend du recul, on ne se précipite pas. Et on pèse le pour et le contre. On pèse le pour et le contre. Si cette action à faire, si cette parole à dire nous apporte le bien, alors on avance. Et si elle nous apporte le mal, alors on freine et on recule, on rebrousse même chemin. On rebrousse chemin. Ça, c'est muhasabatu nafs qabla al-amal. C'est le fait de faire ses comptes et son introspection avant d'agir. C'est pour cela que al-ajala min ash-shaytan, la précipitation, l'empressement vient du diable. Deuxièmement, ba'd al-amal. Après avoir agi, il faut aussi cette introspection, ce bilan. Et cela se concrétise en trois points. Premièrement, il faut faire les comptes avec son âme après avoir accompli la bonne action, l'obéissance. En visualisant ses imperfections, j'ai fait ma prière, oui, mais je remarque qu'il y a tel défaut, il y a tel défaut, je dois corriger cela. J'avais un manque de concentration. Comment vais-je corriger cela? En apprenant le sens, en faisant le wudu pour chaque salat, en ne faisant pas la prière en ayant un besoin pressant, en priant deux unités de prière recommandées avant d'entrer dans la prière obligatoire, en se coupant de ce bas monde, en ne priant pas sur un tapis ayant, par exemple, une image ou des traits qui vont me distraire, et ainsi de suite. Il fait ses comptes, il voit ses imperfections, il se corrige, il se réforme, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir eu cette imperfection dans son adoration. Donc, il fait ses comptes et blâme son âme, car il n'a pas fait l'adoration comme il aurait pu le faire, il n'a pas fait l'adoration comme yani, Allah subhanahu wa ta'ala le mérite. Et remarquez à la fin de la prière, la première chose que le prophète alayhi salatu wasalam, disait, donc que nous disons, nous les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de demander pardon à Allah, alors que nous sortons de la meilleure adoration, la prière en son temps. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Deuxièmement, tu fais muhasabatu nafs, tu fais les comptes pour chaque action que tu as accomplie, alors que le mieux était le délaissement. Tu as agi alors que le mieux était de ne pas agir. Alors que le mieux était de ne pas agir. Ainsi, tu regrettes, tu invoques Allah Azza wa Jal et tu te corriges. Troisièmement, tu fais tes comptes sur toute chose permise ou toute chose entrant dans les habitudes que tu fais au quotidien ou pas, et tu te poses la question, pourquoi est-ce que je fais cela? Et lorsque j'ai fait cela, qu'est-ce que j'ai recherché à travers cela? Est-ce que j'ai recherché Allah? Est-ce que j'ai recherché la récompense? Est-ce que j'ai recherché l'au-delà, l'agrément d'Allah Azzawajal, les degrés au paradis? Ou bien j'ai été distrait de cela, je l'ai fait simplement pour un but mondain, alors j'ai perdu les récompenses. J'ai perdu les récompenses. Donc la personne observe ces trois choses après avoir agi. Après avoir agi. Le serviteur doit souvent faire ses comptes. S'il ne fait pas ses comptes et avance dans sa vie jour après jour, heure après heure, il le regrettera, tôt ou tard. Car il va vivre une vie d'insouciance. Il va tomber dans l'illusion. Et il ne n'ouvrira jamais les yeux si ce n'est dans sa tombe. Si ce n'est dans sa tombe. En se reposant sur le pardon d'Allah et en oubliant la colère d'Allah, le jugement et la justice d'Allah, il va se laisser aller à commettre les péchés. Il va se laisser aller à ne pas s'excuser pour ses fautes et réparer ses injustices. Et s'il a l'habitude de vivre comme cela, le sevrage lui sera très difficile. Plus difficile encore que l'enfant allaité pendant 2 ans. On tente de sevrer. Il aura une douleur des plus insupportables à se séparer du péché. Il aura une douleur des plus insupportables à ne pas aller vers ce qu'il a eu l'habitude de faire, comme la consommation des drogues ou de la cigarette, ou la fréquentation des femmes en dehors du mariage, ou le vol, l'injustice. Et le fait de ne pas retenir sa langue sur l'honneur des gens. Et dans la vie quotidienne, comment est-ce que ça va se manifester? Dans la vie quotidienne, pour celui qui veut une feuille de conduite, de route, il lui faut commencer par les obligations. Il lui faut faire ses comptes dans ce qu'Allah Azzawajal lui a ordonné. Et certes, pour ce faire, il faut la science. Il faut la science du Coran et la Sunna. Il commence par la purification de la croyance. Il observe sa croyance. Est-ce que sa croyance est conforme au Coran et à la Sunna? Est-ce que sa croyance est conforme à la croyance des gens de la Sunna et du groupe, du consensus? Est-ce qu'il a la croyance qu'avait Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ainsi de suite, la croyance que l'a renseigné le prophète, alayhi salam? Il commence par cela. Il commence par cela. Est-ce qu'il adore Allah d'un culte sincère? Il lui reconnaît la perfection absolue? et lui affirme tous ses noms et tous ses attributs mentionnés dans le Coran ou la Sunna, sans en altérer le sens, sans dénaturer la réalité du sens, sans établir de similitude entre les attributs d'Allah et celles de ses créatures, est-ce qu'il agit ainsi? Est-ce qu'il reconnaît le décret d'Allah, le destin? Na'am, qu'Allah sait que tout a été écrit, que rien ne se produit si ce n'est par sa volonté qu'il nous a créé nous et nos actions. Est-ce qu'il reconnaît que la foi est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, des actions avec les membres qui augmentent lorsqu'on obéit à Allah et qui diminuent lorsqu'on lui désobéit? Il doit purifier sa croyance et étudier cela. Et un des meilleurs livres après le Coran ou le Karim qui réunit la bonne croyance, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, s'intitulant Al-Aqidatul Wasitiyya. Al-Aqidatul Wasitiyya. Barakallahu fikum. Aussi, après avoir fait ses comptes sur la purification de la bonne croyance, il va faire ses comptes sur les obligations, al-fara'id, les cinq prières, le fait de sortir la zakat, le fait de jeûner Ramadan, le fait d'accomplir le pèlerinage, le fait de lier les liens de parenté, le fait de prendre soin de sa famille, le fait d'éduquer ses enfants, le fait de ne pas nuire à son voisinage. Il va regarder, ou le fait d'honorer son voisinage, il va regarder ses obligations, et il va faire ses comptes. Dès lors qu'il trouve du bien, il sait que c'est grâce à Allah, alors il le loue, il le louera. Et dès lors qu'il trouve du mal, ou à la bout, il regrettera, il accomplira un repentir sincère, il fera beaucoup d'istighfar, il demandera beaucoup pardon à Allah en disant « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». C'est ça, « Muhasabatun nafs » dans les obligations. Et il se rattrapera quand il fera les comptes sur sa prière. Il se corrigera, il se repentira, il ajoutera des prières recommandées et il demandera pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses imperfections. Il fait ainsi pour toutes les obligations. Donc nous avons parlé de la croyance, nous avons parlé des obligations. Parlons maintenant des interdits. Il fait muhasabatun nafs sur Al-Manahi, sur les interdictions. Tout ce qu'il trouve comme péché accompli, comme limite franchi, il regrette, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repent. Il ajoute aussi des bonnes actions, car innal hasanat yudhibna sayyiat. Car certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Le troisième point, muhasabatun nafs ala raflatiha. Il fait ses comptes sur l'insouciance de sa personne, de son âme. Il se rattrape, il se corrige, il mentionne beaucoup Allah, il revient vers Allah azza wa jal. De manière générale, il fait ses comptes pour chaque membre et chaque sens qu'Allah lui a accordé. Il fait ses comptes sur son ouïe, tout ce qu'il entend. Est-ce qu'Allah aime? Est-ce qu'Allah n'aime pas? Est-ce qu'il écoute plutôt le Coran, la parole d'Allah? Ou est-ce qu'il écoute plutôt la musique, la flûte du shaitan? Est-ce qu'il écoute les rappels profitables où il apprend sa religion, ou les paroles permises? Ou bien il écoute la médisance, le colportage, les mensonges, et ceux qui amènent la corruption du cœur et la dissension des rangs des musulmans? Il fait ses comptes sur son regard. Est-ce qu'il regarde ce qui lui est licite? Quand il est dehors, est-ce qu'il baisse le regard? Ou bien il regarde ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit? Naam. Il fait ses comptes sur tout ce qu'il touche, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit. Est-ce que ça lui provient d'un salaire licite? Est-ce que son argent est licite? Et est-ce qu'il le dépense dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il dépense pour sa famille, pour ses enfants? Ou bien est-ce qu'il est négligent et insouciant? Il fait muhasabatun nafs, ses comptes sur sa langue. Est-ce qu'il a été reconnaissant vers ce bienfait? Est-ce qu'il l'utilise pour mentionner Allah, pour faire du dhikr, pour appeler au bien, pour interdire le mal, le blâmable? Est-ce qu'il l'utilise pour inviter les gens à l'islam, pour avertir contre le polythéisme, contre l'innovation et leurs adeptes? Est-ce qu'il utilise sa langue pour désobéir à Allah Azza wa Jal, pour mentir, pour tromper, pour semer la discorde entre les bien-aimés, pour Mada, pour obstruer le chemin qui mène à la connaissance d'Allah Azza wa Jal et son agrément? Est-ce qu'il est dans le colportage, la médisance et autres? Sur tout cela, il fait ses comptes. Il fait les comptes même pour ses pieds. Où l'ont-ils emmené? Est-ce qu'il marche vers ce qui plaît à Allah Azza wa Jal ou vers ce qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui déplaît à Allah tabarak wa ta'ala. Quand il sort de chez lui, est-ce qu'il marche vers l'agrément d'Allah ou est-ce qu'il marche vers les lieux où il y a la transgression des limites d'Allah tabarak wa ta'ala? Il fait ses comptes sur tout cela. Wallahi al-azim. Celui qui fait ses comptes de la sorte sera le serviteur le plus pieux, le plus noble, le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Au quotidien, il fera ses comptes. Avant de dormir, il fera ses comptes. Le matin, il se mettra un objectif. Le soir, même avant de dormir, il se mettra un objectif. Au matin, il se rappellera cet objectif. Il agira en fonction de cela. Au soir, il fera ses comptes. À l'image du bon commerçant. Il a un objectif, il fait ses comptes. Il sait s'il est dans le bénéfice ou dans la perte. Il sait s'il doit revoir le prix d'achat, le prix de vente, s'il doit revoir les partenaires, s'il doit revoir... Yani, corriger des choses. Pareillement, ça c'est un commerce avec Allah Azza wa Jal, c'est plus important. Celui qui agit ainsi, son âme sera purifiée au quotidien. Sera purifiée au quotidien, s'élèvera vers Allah Azza wa Jal au quotidien. S'améliorera au quotidien. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné cela. Il nous a ordonné de faire nos comptes pour notre bien, par pitié et miséricorde envers nous. Dans Surat al-Hashr, il nous dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, wa taqullah, inna Allah khabirun bima ta'amaloun. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Craignez Allah, prémunissez-vous d'Allah, en mettant un rempart entre vous et le châtiment d'Allah. Comment faire? En obéissant à Allah dans ce qu'il nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a interdit. C'est ça la piété. Et craignez Allah. Fait partie de la crainte d'Allah de faire ses comptes. Allah nous ordonne de faire nos comptes ici, de regarder ce qu'on a avancé pour demain. Et demain, ça signifie le jour dernier, le jour du jugement dernier, comme ont expliqué les exégètes du Coran. On l'a appelé demain parce qu'il est proche. Subhanallah. On doit faire nos comptes avant demain, avant le jour dernier. Avant le jour dernier, on doit faire nos comptes et regarder ce qu'on a avancé pour demain. Ce qu'on a semé ici, on va le récolter demain. Omar ibn al-Khattab disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu. » Faites vos comptes vous-même avant qu'on les fasse pour vous et pesez-les avant qu'on ne les pèse pour vous. Dès lors que le serviteur sait qu'il sera interrogé le jour dernier et qu'on va peser ses actions, s'il cherche son salut, il doit lui-même faire cela dans ce bas monde avant de le quitter, afin que sa balance de péché soit légère et sa balance de bonnes actions soit très lourde. Et le but est, dans tout cela, est de réformer son âme et sa personne, de rétablir la courbe, de suivre la voie droite et de délaisser les chemins de l'égarement. Il faut absolument se délier des jougs de cette âme incitatrice au mal. Il faut absolument la combattre, ne pas s'y soumettre, car c'est le plus grand voile entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Passons au deuxième volet des causes amenant la diminution de la foi et sa faiblesse. Al-asbab al-kharijiyya. Ce sont des facteurs extérieurs à la personne. Ce sont des facteurs extérieurs à la personne qui amènent la diminution de la foi et sa faiblesse. Premièrement, Shaytan. Premièrement, le diable. Le diable est, comme vous le savez, l'ennemi déclaré du fils de Adam. Et Allah Azza wa Jal nous a raconté dans le Coran l'histoire de Adam et de Hawa avec Shaytan, son ennemi déclaré, pour qu'on ait connaissance de cela. pour qu'on ait connaissance de cela, pour qu'on soit sur nos gardes, pour qu'on ait connaissance de notre ennemi, afin de pouvoir s'en prémunir. Et celui qui ignore son ennemi, comment est-ce qu'il pourrait s'en prémunir? Donc tu dois savoir que Shaitan, c'est ton ennemi déclaré. Il t'observe d'où tu ne le vois pas. Il cherche la moindre occasion pour t'égarer, pour te nuire, et son but est que tu fasses partie, comme lui, des habitants de la fournaise. Il a été viré de la miséricorde d'Allah, inscrit en enfer, car il s'est montré orgueilleux et fanatique à sa matière, car il s'est rebellé contre l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, a refusé de se prosterner devant Adam pour Allah. Alors Allah Azza wa Jalla l'a viré de l'honneur qu'il lui avait donné. Il vivait avec les anges, honoré, élevé. Voici qu'il est désormais inscrit en enfer, et c'est l'imam des gens de l'enfer des égarés. C'est ton ennemi déclaré, ton pire ennemi. Tu te dois de te prémunir de lui. Et pour ce faire, il te faut le connaître. Tu n'as pas le droit de le suivre. Tu n'as pas le droit de lui obéir. Tu n'as pas le droit de suivre ses pas. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran te l'interdit. Allah azza wa jalla dans le Coran te l'interdit. Dans sourate An-Nur, ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Car celui qui suit les pas du diable, il ne fait qu'ordonner les turpitudes et le blâmable. Dans sourate Fatir, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et dans Sourate Yusuf, إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Lorsque Yusuf alayhi salam raconta sa vision à son père Yaqub alayhi salam, il lui dit de ne pas raconter sa vision à ses frères, car il monterait un complot contre lui. Par la suite, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Inna shaytana lil-insani aduwwun mubin, aduwwun mubin. Certes, le diable est pour l'homme un ennemi évident, un ennemi déclaré. Subhanallah. Vas-tu obéir à ton ennemi? Vas-tu te soumettre aux insufflations de ton ennemi? Vas-tu avoir confiance en ton ennemi? Vas-tu considérer comme étant fiable ton ennemi? Dans Surat Al-Mujadila, Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah. Ulaika hizb ash-shaytan. Ala inna hizb ash-shaytan hum al-khasirun. Le diable les a dominés, leur a fait oublier le rappel d'Allah. Cela sont les partis. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Qui sont assurément les perdants. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala nous dit: فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو. Il incombe à chaque personne douée de raison de prendre ses gardes, d'être sur ses gardes face à cet ennemi. الذي قد أبان عداوته من زمان آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام. Prendre, être sur ses gardes face à cet ennemi dont l'inimitié est évidente depuis l'époque de Adam عليه السلام. وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال ابن آدم. Il a dépensé tout son temps, toute sa vie, chaque souffle pour anéantir les situations du fils de Adam, lui nuire. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْحَذَرِ مِنْهُ. Allah nous a ordonné d'être sur nos gardes face à lui. D'être sur nos gardes face à lui. Il y a un livre très important après le Coran pour connaître le shaitan et les insufflations du shaitan et les chemins utilisés de shaitan, les chemins de shaitan ou bien les chemins utilisés par al-Shaytan pour nuire Ibn Adam et pour le faire tomber, c'est Irathatul Lahfan d'Ibn al-Qayyim. Procurez-vous ce livre, Irathatul Lahfan. Il m'est parvenu qu'il a été traduit. Il y a également un livre qui s'appelle Dhammul Waswas. Dhammul Waswas de Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Naam, beaucoup sont touchés, qu'Allah les guérisse et nous prémunisse, de ce qu'on appelle al-waswasa, les insufflations sataniques. Al-Shaytan leur fait visualiser des choses qui sont fausses, leur fait concevoir des choses qui ne le sont pas. Ainsi, il alourdit pour eux l'adoration, la rend compliquée, les éloigne petit à petit de l'adoration, leur faisant croire que c'est trop dur pour eux. Alors ils rajoutent et sortent de la voie du prophète sallam. Puis ils voient que c'est impossible de surmonter cette pente et de la gravir. Au final, ils finissent par abandonner l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Au lieu de faire le wudu une, deux ou trois fois pour chaque membre, il y en a pour laver chaque membre. Non, ils lavent le membre 10 fois, subhanallah. Au lieu de se verser de l'eau à 3 reprises ou de s'essuyer à 3 reprises, une âme pour se purifier, non. Elle se dit, mon djilbab a traîné par terre, donc ça a pris une impureté. Et ensuite, donc ma prière ne sera pas valable, donc je vais sortir de l'islam. Donc, alors elle, en rentrant chez elle, elle lave toutes ses affaires. Une fois, deux fois, mais peut-être que... Alors elle lave ça 7 fois. Peut-être que je n'ai pas mis assez de savon. Alors elle relave. Puis lorsque la personne va aux toilettes, elle reste 2 heures, 3 heures. Et lorsqu'elle se lave, elle se lave 10 fois, 20 fois, jusqu'à se frotter jusqu'au sang. Et finit par faire sortir l'heure de la prière de son temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces gens-là doivent se poser 3 questions pour être guéris. La première, ce que je fais là, est-ce qu'Allah me l'a ordonné? La réponse est non. Deuxièmement, ce que je fais là, est-ce que c'est l'œuvre de celui qui m'a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, celui qui m'a enseigné ma religion, celui qui est le meilleur, le prophète Mohammed sallam, est-ce qu'il faisait comme moi? Non. La troisième question, est-ce que je suis meilleur ou lui est meilleur que moi? C'est qui? C'est lui. Donc je vais arrêter tout ça et je vais faire comme lui. Et Allah Azza wa Jal sera satisfait de moi. Dites « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim » et éloignez-vous de l'waswasa. N'y pensez plus, n'en parlez pas. Occupez-vous. Occupez-vous parce qu'il vous est profitable de votre religion et même des choses de dunya. Ainsi vous serez guéri de l'waswasa. Et dans ce livre, Dhammul Waswas, d'Abu Muhammad al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, dans son introduction, il nous dit فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الشَّيْطَانَ عَدُوًا لِلْإِنسَانِ يَقْعُدُ لَهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَيَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَسَبِيلٍ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il nous dit dans l'introduction, certes, Allah, exempt soit-il, a mis comme ennemi déclaré pour l'homme le diable. Ce dernier se met sur ou face au chemin droit. Et lui vient de toutes parts et de toutes directions. Comme Allah nous en a informé dans le Coran, la traduction des sens de ce verset de Sourate Al-A'raf. Et je les empêcherai ou je me mettrai face à eux sur le chemin droit. Puis je leur viendrai d'au-dessus d'eux, de derrière eux, de par leur droite, de par leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux. Et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Allah nous met en garde contre le fait de suivre les ordres du shaitan. Et il nous ordonne de lui désobéir. Dans sourate Al-A'raf, « Ya bani Adam, la yaftiyannakum ash-shaytan, la yaftinannakum ash-shaytan. Ô fils de Adam, ô enfant de Adam, la yaftinannakum ash-shaytan. Que le diable ne vous tente pas, ne vous égare pas, ne vous trouble pas, ne vous éloigne pas de la vérité. كما أخرج أبويكم من الجنة. Tout comme auparavant, il a fait sortir vos parents du paradis. Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran ce que Shaitan a fait à nos parents pour qu'on soit sur nos gardes face à son obéissance. Ainsi, nous n'avons plus d'excuses. Ainsi, nous n'avons plus d'excuses pour lui obéir. Allah Azza wa Jalla nous a plutôt ordonné de suivre le chemin droit. Donc, le diable, c'est notre ennemi déclaré. Il tente tout ce qui est dans sa capacité pour nous égarer du droit chemin. En commençant par la croyance, il fait tout pour corrompre notre croyance. Il essaye de nous faire sortir de la croyance de l'islam. Son but premier est de nous faire tomber dans le polythéisme, dans la mécréance. S'il n'arrive pas, alors il essaye de nous faire tomber dans les grands péchés. S'il n'arrive pas, alors il essaye de nous faire tomber dans les petits péchés. S'il n'arrive pas, il essaye de nous faire tomber dans l'insouciance qui va nous distraire de faire les meilleures des actions. C'est-à-dire, tu veux faire une action, il va te faire faire moins bien que ce que tu aurais pu faire. Puis il va essayer de te faire perdre ton temps. Il va essayer de te faire perdre ton temps. Donc le serviteur doit faire attention. Al-Shaytan, parfois, au lieu de te faire tomber dans un péché évident, il va t'enjoliver une bonne action et te faire exagérer dans celle-ci jusqu'à tomber dans l'innovation. Tout comme il a enjolivé au peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam l'amour des gens pieux, ce qui est une bonne chose, mais ils ont exagéré à leur sujet jusqu'à les représenter et au final les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal lorsque la science disparut. Ces gens-là ont été adorés par autre qu'Allah Azza wa Jal et Shaitan a manipulé la descendance de ces gens-là et les a trompés, les a trahis. Donc, rien ne nous prémunira de cet ennemi déclaré, si ce n'est en recherchant protection auprès d'Allah, en le fuyant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Shaytan veut nous embellir le péché et la désobéissance. L'orgueil et le fait de s'élever au-dessus des autres. Afin. Il nous excite afin qu'on désobéisse Allah Azza wa Jal, nous embellit le mal afin qu'on le minimise, nous le fait apprécier qu'on s'y plaise dedans. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: wa iyyak an tumakkina ash-shaytan min bayti afkarika wa iradatik fa innahu yufsiduha 'alayka fasadan yas'ubu tadarukuk. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fawa'id, nous dit une parole très profitable, une très bonne recommandation. Prends garde à permettre au diable d'être à la tête de la maison de tes pensées, de tes volontés. Ne laisse pas Shaitan rentrer dans tes pensées, dans tes volontés. Ne les laisse pas se mettre à la tête de cela. Sinon, il va corrompre le tout d'un désordre tel qu'il te sera difficile de te rattraper. Et il va jeter dans ton esprit toutes sortes de pensées sataniques et de désordres, de mauvaises pensées nuisibles. Et si tu fais cela, ça sera toi qui auras donné la permission au Shaitan dans tout cela. L'exemple de cela et l'exemple de celui qui a de la viande, il le laisse sur le sol. Et face à lui, il y a une meute de chiens affamés. Et lui ne met pas cette viande en sécurité. Que va-t-il se passer? Les chiens vont se jeter sur la viande, ils vont prendre cette viande et se sauver. Même s'il crie, il sera trop tard. Ben, si on laisse notre âme sans protection, Al-Shaytan pourra s'emparer de nous. Il pourra s'emparer d'elle et nous mener où il le voudra par la suite. Et notre secours se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vit éloigné des préceptes de l'islam. Celui qui vit sans se prémunir de cet ennemi déclaré Ash-Shaytan aura à vivre une vie pleine de gêne, aura à vivre une vie qu'il regrettera au final, dans ce bas monde, dans sa tombe et même dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Al-Qur'an Al-Karim: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. الله تبارك وتعالى nous montre la dangerosité de se laisser aller et de ne pas être sur ses gardes face au diable, et de le prendre pour compagnon, de le suivre, d'obéir, de le croire. Et quiconque, dans Sourate Zukhruf, et quiconque s'aveugle du rappel du Tout Miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Un compagnon inséparable. Il détourne certes du droit chemin, tandis que ceux qui s'estiment être bien guidés, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira, c'est-à-dire à son démon, « Hélas, que n'y a-t-il entre moi et toi la distance entre l'Est et l'Ouest ou bien les deux Orients ? Quel mauvais compagnon es-tu ? » Le serviteur doit se prémunir de cet ennemi. Cet ennemi, il ne te laisse pas lorsque tu es réveillé. Il ne te laisse pas lorsque tu dors. Le cauchemar vient du shaitan. Lorsque tu t'apprêtes à dormir, il fait trois nœuds autour de toi. Il te fait trois nœuds en espérant que cette nuit te soit longue. Si tu te réveilles, tu mentionnes Allah, le premier nœud se défait. Si tu fais le wudu, le deuxième se défait. Si tu pries, le troisième se défait. Le prophète nous informe que shaitan dort dans les narines du fils de Adam. Lorsque vous levez, nettoyez votre nez de l'eau à trois reprises. Donc Ash-Shaytan, c'est ton ennemi. Ash-Shaytan se met entre l'homme et son épouse. Si ce dernier ne mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il consomme avec elle, lorsqu'il a un rapport avec elle, s'il ne mentionne pas Allah, Ash-Shaytan s'unit à lui dans cela. Et lorsqu'il mange, s'il ne dit pas Bismillah, Ash-Shaytan s'unit à lui dans son repas. S'il ne dit pas Bismillah, lorsqu'il rentre chez lui, Ash-Shaytan trouve un lieu de séjour, les diables trouvent un lieu de séjour chez lui. Combien, dans toutes les phases de la vie, ce diable-là tente de t'égarer. Les plus prédécesseurs, jusqu'au dernier souffle, ils avaient peur d'être égarés par Ash-Shaytan. Sofiane al-Thawri et d'autres pleuraient énormément au moment de leur décès lorsqu'on leur disait « As-tu commis un péché grave ?» Ils répondaient « Je ne suis pas du nombre des gens de la perversion qui s'adonnent au péché. » Mes péchés ne sont pas nombreux, mais j'ai peur qu'on m'enlève la foi avant de décéder. Ils avaient peur qu'Allah leur ôte cette réussite, ce tawfiq. Ils avaient peur que Shaitan réussisse à les égarer avant le décès. Donc on doit être sur nos gardes, on doit faire attention. Deuxièmement, la deuxième cause extérieure qui amène la diminution de la foi, c'est Fitnatud Dunya, c'est la tentation de ce bas monde. Ce bas monde et ses tentations. C'est la deuxième cause extérieure qui amène la diminution de la foi et sa faiblesse. Car plus le serviteur va être préoccupé par ce bas monde, son obtention et assouvir ses désirs et ses plaisirs dans celle-ci, plus il sera distrait de préparer son au-delà. Et plus il sera ignorant des délices qu'Allah lui a préparés dans l'au-delà si il lui obéit. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Fawaid: wa ala qadri raghbati al-'abdi fi ad-dunya wa ridahu biha yakunu tathaquluhu 'an ta'ati Allah wa talab al-akhirah. Proportionnellement au désir qu'a le serviteur de ce bas monde et l'agrément qu'il en a, la satisfaction qu'il en a, il trouvera de la lourdeur dans l'obéissance d'Allah et la recherche de l'au-delà. ça lui sera lourd, ça lui sera difficile. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le savant et sage, nous a informé de la bassesse de ce bas monde, nous a averti contre la tentation de ce bas monde et nous l'a décrit comme étant vil et comme étant une créature qui disparaît rapidement. Il ne faut pas s'y attacher. Dans Surat al-Hadid, Allah Azza wa Jal nous dit: «I'lamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.» وقال تعالى: «وضرب لهم مثل الحياة الدنيا» أو plutôt عفوا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Dans sourate Al-Hadid, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens de ces versets: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Voici comment Allah Azza wa Jalla nous décrit ce bas-monde. Et il nous ordonne de savoir cela, que ce bas-monde va disparaître, que ce bas-monde ne reste pas, que ce bas-monde est rempli d'imperfections. Mais dans l'au-delà, il y a les comptes. Dans l'au-delà, il y a soit l'agrément d'Allah, soit sa colère. Et la finalité, c'est quoi? La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Trompeuse. Dans Surat Al-Kahf, Allah nous dit: et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Dans Sourate Ar-Ra'd: وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison à l'au-delà. Dans Sourate Maada, Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Et le jour où on les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure du jour, ou plutôt ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et ont été satisfaits de la vie de ce bas monde et sont apaisés à rester ici ou à y être. Ceux qui sont distraits de nos signes, voici ceux dont la demeure sera l'enfer pour ce qu'il faisait. Donc, tous ces textes blâment Le fait de s'accrocher à ce bas-monde et d'y vivre comme si on allait y rester éternellement sans préparer nos provisions pour l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui ont été satisfaits de ce bas-monde et n'ont pas pris leurs provisions pour l'au-delà. Dans surat At-Tawbah, ya ayyuhalladhina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah, fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Allah azza wa jalla blâme ceux qui ont préféré ce bas-monde à l'au-delà, alors que ce bas-monde face à l'au-delà n'est que très peu. Le prophète alayhi salat wa salam a eu peur pour nous de ce bas-monde. Il nous dit Fawallah, mal faqr, akhsha alaykum. Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama halakatuhum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc, et dans une autre version, kama alhathum ou alhathum, n'am kama alhathum. Je jure par Allah que ça n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains pour vous que ce bas monde vous soit donné avec largesse. Tout comme cela a été fait pour ceux qui ont été avant vous, et que vous vous concurrenciez comme ils se sont concurrencés pour elle, et qu'elle vous anéantisse, tout comme cela les a anéantis. Par Allah, ça n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Subhanallah. Mais ce que je crains pour vous, c'est qu'on vous donne de ce bas monde avec largesse. Tout comme cela a été donné à ceux qui étaient avant vous, et que vous vous concurrenciez dans celle-ci, tout comme ils se sont concurrencés pour cela, que vous vous concurrenciez pour ce bas monde, pour cela, tout comme ils se sont concurrencés pour cela, et que cela vous anéantisse, tout comme cela les a anéantis. Allahu Akbar. Et dans une autre version, que ce bas monde vous distrait, tout comme cela les a distraits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que ce bas monde ne représentait rien chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne représente rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si ce bas monde représentait dans son entièreté chez Allah l'équivalent de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné l'équivalent d'une gorgée d'eau à celui qui n'est pas croyant. Le prophète alayhi salat wa salam un jour était au marché et a vu un âne ayant un défaut aux oreilles, aux petites oreilles, et il était mort sur le sol. Il a dit au compagnon, qui achète cela? Qui m'achète cela pour un dirham? Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, s'il avait été vivant, ça aurait été honteux de le posséder. Que dire alors qu'il est mort? Puis le prophète les a éduqués sur la valeur de ce bas monde en leur disant, la dunya est plus méprisée chez Allah, plus méprisable, plus vile chez Allah que cet âne pour vous. Que cet âne pour vous. Hakada barakallahu fikum. Donc il faut faire attention à ne pas se laisser distraire par ce bas monde parce que ça amène la diminution de la foi, ça amène la distraction et l'insouciance face à la préparation de l'au-delà, c'est pourquoi Allah nous a créé. Et pour réussir cette épreuve, il faut concrétiser deux choses. La première, c'est méditer sur la disparition de ce bas monde. Des choses de ce bas monde. Elles viennent, elles repartent rapidement. Méditez par exemple la succession des saisons, la succession des heures, du jour et de la nuit. Naam, on regarde par la fenêtre, vu qu'on est en confinement, on voit les arbres fleuris. Et il n'y a pas si longtemps, on voyait les feuilles tomber. Avant. Et après cela, Yani les arbres nus. Subhanallah. Un tel était présent. Maintenant, il ne l'est plus. Il est sous terre. Un tel marchait sur la terre. Il est sous terre. Regarde les fruits et les légumes que tu achètes. Lorsque tu les apportes, dans quel état sont-ils? Bah, quelques jours après, subhanallah, vois-tu la fleur, comment elle fane? Et ainsi de suite, prends ta propre personne. Tu étais jeune, tu étais fort. Naam. Maintenant, dans quel état tu es? Tu arrivais à porter telle charge, à faire tel exercice. Maintenant, tes enfants font ces exercices-là. Et toi, ça t'est difficile. Ce bas monde part, sa beauté part, sa jeunesse part, sa beauté part. Ses richesses partent. Et la personne rentre dans sa tombe, dépouillée de toute richesse. Donc médite sur ce point-là. Ce bas-monde disparaît très rapidement, il fane très rapidement. Donc il ne faut pas se battre pour ce bas-monde-là. Car dans le cas contraire, ça sera des regrets. Ça sera des pertes. Ça sera des punitions. On ne pourra pas revenir en arrière. Le deuxième secret pour se prémunir de ce bas-monde, c'est de méditer sur l'au-delà. Et de savoir que l'au-delà est une chose qui restera éternellement. Que l'au-delà, c'est une chose inéluctable. On va y être confronté, on va y aller. On va s'y rendre. Et ça restera éternellement. L'au-delà est meilleur et plus durable. Et si on agit bien, cet au-delà sera le paradis éternellement. Donc en méditant sur ces deux points, bi-idhnillah azza wa jal, on réussira cette épreuve. Afaraita immatta'nahum sinin, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Wa qala Allah وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وقال وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةِ. Dans de nombreux textes, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la rapidité de ces jours, de ces nuits, et que les gens, lorsqu'ils mourront, les gens, lorsqu'ils seront ressuscités, vont penser n'être restés que quelques heures dans ce bas-monde. Que quelques heures, subhanallah, que quelques heures dans ce bas-monde. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure du jour. Et ils se reconnaîtront mutuellement, perdant. Seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah et ils n'auront pas été guidés. Yani ils considéreront, ils penseront être restés qu'une heure, yani dans leur tombe ou sur ce bas monde, qu'une heure. Et dans plusieurs autres versets du Coran, comme dans Sourate Ar-Rum, et le jour où l'heure arrivera, les criminels jugeront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Mais ces regrets-là ne serviront à rien. Le fait de reconnaître cela ne servira plus à rien. Donc il ne faut pas se laisser avoir par ce bas-monde et être prêt à désobéir Allah Azza wa Jal pour son obtention. Ce bas-monde ne vaut rien, il ne restera pas. On est amené à quitter ce bas-monde-là pour comparaître chez Allah Azza wa Jal. Donc il faut utiliser ce bas-monde comme une terre fertile où on sème et on espère récolter le bien. Chez Allah wa billahi tawfiq. Pour finir, la troisième cause extérieure qui amène la diminution de la foi, Qurana ou Sou, les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations sont celles qui nuisent à ta foi, à ton acheminement vers Allah et l'au-delà. Celles qui ont une mauvaise influence sur toi, celles qui obstruent le chemin qui mène vers le bien. Celles qui, lorsque tu les quittes, ton cœur s'endurcit, ta foi baisse et tu ressens que tu as perdu ton temps, que tu as écouté des choses que tu n'aurais pas voulu, que tu as dit des choses que tu n'aurais pas voulu, que tu t'es trompé, que tu n'as pas été corrigé. Les assises qui profitent de toi pour ce bas monde, mais qui t'oublient dans ton au-delà. Fais attention à tes fréquentations. L'homme ne doit pas fréquenter qui il veut. La femme ne doit pas fréquenter qui elle veut. Mais sélectionnez minutieusement cela. Car la mauvaise fréquentation affecte. La mauvaise fréquentation affecte grandement la foi de la personne. Et rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rajulu ala dini khalili. L'homme est sur madha, sur la religion de son ami proche. L'homme est sur la religion de celui qu'il aime le plus. Faites donc attention à qui vous choisissez comme ami proche. Donc si tu as l'habitude de fréquenter une personne, sache qu'il va t'affecter. Si c'est une personne de bien, il va t'affecter dans le bien. Si c'est une personne de mal, elle t'affectera dans le mal, sans aucun doute. C'est une règle inéluctable. Et si tu restes avec elle, c'est que tu es satisfait de ce qu'elle fait. Elle est satisfaite de ce que tu fais. Et comme il fut dit, « عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِينِ يَقْمُقْتَدِي » Ne questionne pas au sujet de la personne, mais questionne au sujet de celui qu'il fréquente souvent. Car chaque personne prend pour exemple celui qu'il fréquente. Donc, c'est une chose qu'on connaît et c'est une chose qu'on observe sur nous et sur les autres. La personne, yani, comme il fut dit, chaque personne fréquente celui qui lui convient. On ne peut pas dire, moi je suis bien, mais je fréquente des gens qui ne le sont pas. Et c'est ce qu'il y a dans les cœurs qui compte. Non, si véritablement tu avais été bien, tu n'aurais pas pu supporter cette mauvaise compagnie. Soit tu vas les voir pour leur donner le conseil sincère, pour lier lien de parenté, ensuite tu pars. Mais si tu les prends pour amis, pour fréquentation, sache que tu es des leurs. Sache que tu es des leurs, que tu le veuilles ou non. Ne vois-tu pas que Pharaon a été lié avec Haman et qu'on les mentionne ensemble? Tout comme on mentionne Abou Bakr et Omar ensemble, Othman, Ali, les compagnons ensemble, le prophète l'aime avec eux. Donc celui qui prend pour allié une personne, celui qui aime une personne, qui s'affilie à une personne, qui fréquente une personne, elle sera avec elle. Elle sera avec elle. Et très beau, très nombreux sont les textes qui nous avertissent et qui nous mettent en garde contre les mauvaises fréquentations. Et nous montrent la dangerosité, non, la dangerosité de ces mauvaises fréquentations. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. C'est une chose, subhanallah, qui fait réellement peur. C'est une chose qui fait réellement peur, car on a vu, on a connu, ou on a entendu des gens qui étaient sur la droiture, des gens qui étaient sur la piété, et qui par la suite ont sombré. Et lorsque nous regardons les causes, bien souvent, c'est à cause des mauvaises fréquentations. Bien souvent, c'est à cause de quoi? À cause des fréquentations. À l'inverse, le serviteur se doit de chercher de bonnes fréquentations. Celles qui vont l'aider dans sa foi, celles qui vont l'aider dans l'aisance comme dans la difficulté, celles qui vont être sincères et lui dire la vérité, lorsqu'il a raison, le soutenir, lorsqu'il a tort, l'empêcher de faire le mal. Allah nous dit dans le Coran, « وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Ya waylata, laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Wa qala Allah, faqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qala qa'ilun minhum, inni kana li qarin. Yaqulu a innaka la min al-musaddiqin? A idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna la madinun? قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وقال سبحانه وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال سبحانه وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين وقال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Donc il y a de nombreux textes qui nous montrent que les mauvaises fréquentations amène au regret, amène à la perte dans ce bas monde et l'au-delà. Dans Sourate Al-Furqan, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'en est fait garer, loin du rappel, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Dans Sourate Saffat, puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon qui disait « Es-tu vraiment de ceux qui croient ? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes ?» Il dira « Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut ?» Alors il regardera d'en haut et le verra en plein dans la fournaise et dira « Par Allah, tu as failli causer ma perte !» Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Dans Sourate Fussilat, et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons, qui leur ont enjolivé ceux qui étaient devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils étaient, ou bien ils sont certes perdants. Dans Sourate Zukhruf, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Tous ces textes nous montrent quoi ? Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit l'exemple de la bonne fréquentation et de la mauvaise, est semblable au vendeur de parfum et au forgeron. Le vendeur de parfum, soit tu peux lui acheter du parfum, soit tu sentiras une bonne odeur de loup, il te parfumera. Et le forgeron, soit il va brûler tes vêtements, soit tu repartiras de son assise avec une mauvaise odeur. Dans tous les cas, tu seras perdant. Et avec la bonne fréquentation, dans tous les cas, tu seras gagnant. Donc, éloigne-toi des mauvaises fréquentations. Libère ton cœur de ces mauvaises fréquentations. Entraidez-vous dans le bien. Appelez-vous au bien. Entraidez-vous dans le bien. Appelez-vous mutuellement au bien. Et dans le cas contraire, si la personne préfère le politisme, si la personne préfère l'innovation, si la personne préfère la désobéissance, les transgressions, les turpitudes et autres, on s'éloigne d'elle. Et on maintient le conseil. Mais on ne peut pas la prendre en fréquentation. « Wa la hawla wa la quwwata illa billah » Combien sont ceux qui ont été sauvés par la grâce d'Allah suite à une bonne connaissance, à une bonne fréquentation ? Combien sont les gens qui étaient dans le polythéisme, qui juraient par autre qu'Allah, qui étaient dans la fornication, dans le vol et la drogue, suite à une bonne connaissance, et ils sont revenus au tawhid, aux assises de science, à la noblesse d'esprit, de croyance, d'action. Ils ont délaissé le mal, se sont repentis et sont devenus parmi les plus pieux que la terre ait en son sein. Combien sont celles qui étaient dans la perversion, dans le mal, dans le colportage, dans l'insouciance, qui ne se respectaient pas, sont devenues les femmes les plus pieuses, les femmes les plus chastes, des exemples, des éducatrices pour les enfants de la communauté. Suite à une fréquentation, suite à une bonne assise, suite à une conférence, suite à une khutbah, suite à un conseil sincère, suite à une bonne rencontre dans laquelle Allah a mis la bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les assises de science sont les assises dans lesquelles jamais une personne ne repartira triste. Jamais une personne ne repartira triste. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les mauvaises assises. Nous interdit de rester lorsqu'on parle en mal de ces signes. Les savants disent, on tire de cela l'interdiction de fréquenter les gens de la perversion et les innovateurs. Et parmi les pires assises, celles qui t'éloignent des assises de science. Ceux qui t'éloignent des assises de science. Ceux qui t'éloignent des assises où tu apprends à remplir ton cœur de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, de l'espoir en Allah. Ils font partie des pires fréquentations et des pires assises. Les anges recherchent ces assises et eux avertissent contre ces assises. Allah Azza wa Jal demande à ses anges d'où est-ce qu'ils reviennent. Ils reviennent de ces assises et eux avertissent contre ces assises. Allah Azza wa Jal dit, qu'est-ce qu'il me demande? Il te demande ton paradis. Qu'est-ce qu'il redoute? Il redoute ton enfer. Allah Azza wa Jal leur donne le paradis. Il les prémunit de l'enfer et eux avertissent contre ces assises. Quelle pire mauvaise fréquentation que cela. Et certains, dû à des ambiguïtés, pensent même, pour ceux qui parmi eux sont sincères, quant aux autres, ils le font sciemment, pensent même qu'ils sont sur le chemin d'Allah et le chemin de la sunna. Or, la sunna se désavoue d'eux et le chemin d'Allah est bien loin de celui sur lequel ils se trouvent. Comment est-ce que ça pourrait être le chemin d'Allah Azza wa Jal d'éloigner des assises dans lesquelles il y a la vie des cœurs, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son prophète et de sa religion, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous prémunisse de toutes ces causes qui amènent la diminution de la foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à préserver les causes de l'augmentation de la foi. Ceci est la fin de ce sujet, les causes de l'augmentation et de la diminution de la foi, qu'on résumera en ces points-là. L'augmentation de la foi a plusieurs causes. La première, l'apprentissage de la science, utile et bénéfique. Cette science comprend de nombreuses matières. Les plus importantes, le Coran, il faut le lire, le méditer, l'appliquer. Il y a également la connaissance d'Allah à travers les noms et les attributs. Il y a également l'étude de la biographie du prophète sallam. Il y a également l'étude de la splendeur de l'islam. Il y a également l'étude de la biographie des pieux prédécesseurs. Deuxièmement, le fait de méditer sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses signes merveilleux et manifestes, comme le soleil et la lune, le jour, la nuit, la succession des saisons. Troisièmement, le fait de faire des efforts dans la mise en pratique des bonnes œuvres, que ce soit avec le cœur, la langue ou les membres. Quatrièmement, le fait de prêcher, d'inviter les gens à Allah et de leur enseigner le bien et de les inviter au bien. Puis, nous sommes passés aux causes de la diminution de la foi. Premièrement, le premier chapitre, ce sont des causes faisant partie intégrante de la personne. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, l'insouciance. Troisièmement, se détourner de la voie d'Allah. Quatrièmement, l'oubli. Cinquièmement, commettre les péchés et les désobéissances. Sixièmement, l'âme incitatrice au mal. Le deuxième volet, ce sont les causes intérieure à la personne qui amène la diminution de la foi. Le premier point, le diable, notre ennemi déclaré. Le deuxième point, la tentation de ce bas monde. Et nous avons fini avec le troisième point, les mauvaises fréquentations. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زين قلوبنا بالإيمان Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallib al-qulub, ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il y a un tonton à nous, Ami Mohamed de Lyon, qui est entré aux urgences. On suspecte qu'il soit touché par barakallahu fikum, par le Covid-19. Ainsi, on s'associe à sa famille dans leur peine et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa shafi, wa huwa rahim, wa huwa arhamur rahimin, wa huwa rabbul alamin, wa huwa ala kulli shay'in qadir, an yamunna ala عمي محمد بالشفاء العاجل ويفرج عنه ويصبر أهله وأولاده. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, par sa grâce, sa miséricorde, nous lui demandons à lui, car c'est le Seigneur des mondes et parfaitement omnipotent, d'accorder guérison à ce papa et d'alléger les peines de sa famille et de leur accorder endurance. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.